Quelques remarques sur la fatwa de Sheikh Nasser Fahd autour de la règle « Celui qui ne considère pas un mécréant le mécréant est alors lui-même un mécréant ». Extrait du livre « Réplique Atiyatullah » page 124 du Sheikh Abu Maryam al-Mikhlef. Citation complète de la fatwa. Le Sheikh Nasser Fahd a dit « Louange à Allah et que le salut et la paix soient sur le messager d'Allah ». Après quoi ? La règle qui dit « Celui qui ne considère pas un mécréant le mécréant est un mécréant » est une règle bien connue. Et c'est la troisième annulation de l'islam qu'a mentionné Sheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahmahullah, lorsqu'il dit « Troisièmement, celui qui ne considère pas mécréants les mouchrikoun doute de leur mécréance ou authentifie leur doctrine est un mécréant. » A noter cependant que cette règle n'est pas aussi absolue, mais il y a un détail qui peut amener à celui qui ne s'en soucie pas au faux et au takfir exagéré envers les musulmans, ou au contraire à l'abandon du takfir des mécréants de base. Et ce détail est le suivant. Sache premièrement que le fondement de cette règle n'est pas le fait de commettre une mécréance gestuelle ou orale, mais c'est plutôt du domaine de la réfutation de la révélation d'Allah et de son démenti. Celui qui laisse un mécréant sans le juger mécréant, c'est parce qu'il a démenti les révélations divines prouvant sa mécréance. C'est pourquoi il est indispensable, pour appliquer cette règle, que l'information du tekfir de ce mécréant soit authentique à l'unanimité. Et il faut impérativement que celui qui délaisse ce tekfir le fasse par réfutation des révélations divines. En effet, les causes d'annulation de l'islam ne sont pas toutes semblables, et la façon de tomber dedans a également plusieurs cas de figure. Et pour expliquer cela, il faut impérativement faire la distinction entre ces choses-là. Cela se divise en deux catégories. Les mécréants de nature, comme les juifs, les chrétiens, les mazdéens, etc. Ce genre-là, celui qui ne les juge pas mécréants, ou doute de leur mécréance, ou authentifie leur doctrine, est un mécréant à l'unanimité. Et plus d'un savant l'a mentionné. Car c'est une réfutation des textes divins indiquant la fausseté des croyances autres que celles des musulmans et la mécréance de quiconque n'est pas musulman. L'apostat de l'islam. Et cette dernière catégorie se divise elle-même en deux catégories. Celui qui déclare sa mécréance et son changement de religion de l'islam au judaïsme, par exemple, ou encore au christianisme ou à l'athéisme, le statut d'un tel apostat est le même que pour le mécréant de nature. Celui qui commet une cause d'annulation de l'islam, mais qui prétend être musulman, et ne pas être devenu mécréant pour avoir commis cela. Cette catégorie se divise également en deux catégories. Celui qui commet une annulation de l'islam claire et évidente, et à l'unanimité, comme insulter Allah, subhanahu wa ta'ala, par exemple, il devient mécréant à l'unanimité. Et celui qui s'abstient de le juger mécréant ne peut être que l'une de ces deux personnes. Qu'il reconnaît que l'insulte est une mécréance et que son acte est une mécréance. Mais il s'abstient de lui donner le statut d'un mécréant à cause de son manque de science ou d'une ambiguïté qu'il estime dans ce genre de choses, alors dans ce cas-là, il est dans l'erreur et son avis est faux. Mais il ne devient pas mécréant, car il n'a pas réfuté la révélation, ni l'a démenti. Au contraire, il l'a accepté et a cru en la révélation et en l'unanimité qu'insulter Allah est mécréance. Celui qui dément qu'insulter Allah soit fondamentalement une mécréance. Une telle personne devient alors mécréante après que l'explication lui soit faite, car il aura réfuté la révélation et l'unanimité. C'est la même chose pour celui qui adore une tombe parmi ceux qui s'affilient à l'islam. Celui qui s'oppose au fait que cet acte soit de la mécréance est alors un mécréant, car il aura réfuté les textes à l'unanimité. Quant à celui qui accepte que cela est mécréance, mais s'abstient de l'excommunier à cause qu'il pense trouver une ambiguïté, alors il ne devient pas mécréant. Celui qui commet une cause d'annulation de l'islam, sur laquelle les savants sont divergents, comme l'abandon de la prière par exemple. En effet, la mécréance de celui qui abandonne la prière est un point où divergent les savants. Donc celui qui ne le rend pas mécréant ne devient pas mécréant, ni même hérétique ou pervers, même s'il avait tort. Tel est mon avis à ce sujet en résumé. Et qu'Allah bénisse Mohammed ainsi que sa famille et ses compagnons. Écrit par Nasser ibn Hamed al-Fahd le 10-5-1423. Remarque sur cette fatwa. Les propos en réalité des plus contradictoires. Celui qui hésite sur la mécréance de l'insulteur et de l'associateur ne réfute-t-il pas, lui aussi, l'enseignement d'Allah ? Selon les textes du Coran et de la Sunna et l'unanimité de la communauté, Allah a clairement enseigné la mécréance des associateurs. Donc celui qui hésite sur leur mécréance a lui aussi rejeté l'enseignement, suivant le principe de Nasser Fahd. À moins que pour lui il n'existe aucun texte qui dise que celui qui insulte Allah et que celui qui adore un autre qu'Allah sont des mécréants. Lui-même rapporte l'unanimité sur la mécréance de l'insulteur, puisqu'il dit « Celui qui commet une annulation de l'islam claire et évidente et à l'unanimité, comme insulter Allah, subhanahu wa ta'ala, par exemple, il devient mécréant à l'unanimité. » D'ailleurs, il y a autant de preuves que l'insulte envers Allah est une méfiance majeure et un associationnisme majeur que de preuves que l'insulteur et l'associateur sont mécréants. Alors pourquoi est-ce que Nasser al-Fahd estime-t-il que celui qui nie que l'insulte soit de la mécréance a renié l'enseignement d'Allah, mais que par contre, celui qui nie que l'insulteur soit mécréant n'a pas renié l'enseignement d'Allah? Qu'il reconnaît que l'insulte est une mécréance et que son acte est une mécréance, mais il s'abstient de lui donner le statut d'un mécréant à cause de son manque de science ou d'une ambiguïté qu'il estime dans ce genre de choses, alors dans ce cas, il est dans l'erreur et son avis est faux. Mais il ne devient pas mécréant car il n'a pas réfuté la révélation ni la démenti. Et lui-même rapporte qu'il y a unanimité sur la mécréance de celui qui insulte Allah, ainsi que toute annulation de l'islam, unanimement reconnue. Donc, son propre principe devrait l'obliger à juger mécréant celui qui ne juge pas l'insulteur et l'associateur mécréant, ainsi que quiconque ne juge pas mécréant celui qui invalide la religion par une invalidation unanimement reconnue. Ibn Taymiyyah a dit, l'imam Ishaq, l'un des nobles imams, a dit, les musulmans sont unanimes pour dire que celui qui insulte le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, ou rejette quoi que ce soit de ce qu'Allah a révélé, ou tue un prophète d'Allah, c'est un mécréant, par ce fait même s'il admet tout ce qu'Allah a révélé. Et Khattabi a dit, je ne connais aucun musulman qui ait divergé sur le fait qu'une telle personne doit être mise à mort. Et Mohammed Ibn Sahnun, l'un des imams de la doctrine de Malik, à une époque proche de cette génération, a dit, les savants sont unanimes que celui qui insulte le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou le rabaisse, c'est un mécréant, et la menace d'Allah se réalisera sur lui ainsi que le supplice. Quant à son verdict, d'après la communauté, c'est la mort. Et quiconque doute de sa mécréance ou doute de son châtiment est mécréant. Voir dans Sarim al-Masloul, page 513. Voici donc l'unanimité sur la mécréance de celui qui insulte le messager d'Allah. Et voilà une autre unanimité sur la mécréance de celui qui insulte le messager, ainsi que celui qui doute de sa mécréance. Et tout ceci sont des enseignements indiquant que l'insulteur est mécréant. Donc celui qui doute de sa mécréance a également rejeté l'enseignement d'Allah, du messager, de l'unanimité de la communauté. Alors pourquoi est-ce que Nasser al-Fahd classe celui qui dit que l'insulte n'est pas une mécréance comme un renieur de l'enseignement d'Allah, mais pas celui qui estime que l'insulteur est musulman, qui lui, d'après Nasser al-Fahd, n'a pas renié l'enseignement d'Allah malgré qu'il existe l'enseignement d'Allah et l'unanimité prouvant la mécréance de l'insulteur et de l'associateur. Ibn Taymiyyah dit « Celui qui place les anges, les prophètes, comme des intermédiaires qu'il invoque, en qui il place sa confiance et à qui il demande de réaliser le bien et d'empêcher le mal, comme par exemple en leur implorant le pardon des péchés, la guidée des cœurs ou le soulagement des angoisses. C'est un mécréant à l'unanimité de tous les musulmans. » Majmou al-Fatawa, tome 1, page 124. Ibn Taymiyyah dit aussi, et il est évident connu dans la religion des musulmans, et ceci à l'unanimité des musulmans, que celui qui tolère de suivre une autre religion que l'islam, ou une autre loi que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mécréant. Et c'est comme la mécréance de celui qui croit en une partie du livre et mécroit en une autre. Comme le dit Allah, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Les voilà les mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Majmou al-Fatawa 28-524. Donc, comme nous l'avons dit, il existe autant de preuves enseignant que l'associationnisme est de la mécréance que de preuves enseignant que celui qui donne un associé à Allah est un associateur. Et les versets dans le livre d'Allah sont si nombreux qu'il n'est presque pas possible de les compter, dans lequel Allah qualifie celui qui lui donne un associé de mushrik. Et ceci est un enseignement d'Allah. Il est donc obligatoire de qualifier une telle personne de mushrik. Et celui qui ne qualifie pas l'associateur, le mushrik, a lui aussi rejeté l'enseignement d'Allah, du messager et de l'unanimité des musulmans. Alors pourquoi est-ce que Nasser al-Fahd fait une différence entre l'acte et l'acteur en prétendant que de ne pas admettre que l'acte est de la mécréance reviendrait à rejeter l'enseignement d'Allah et du messager, alors que celui qui rejette les enseignements prouvant que l'associateur est un mécréant ne serait quant à lui pas un mécréant tant que la preuve ne lui est pas parvenue? En plus, après ça, Nasser al-Fahd se contredit à nouveau en disant « Celui qui dément qu'insulter Allah soit fondamentalement une mécréance. Une telle personne devient alors mécréante après que l'explication lui soit faite, car il aura réfuté la révélation et l'unanimité. C'est la même chose pour celui qui adore une tombe parmi ceux qui s'affilient à l'islam. Celui qui s'oppose au fait que cet acte soit de la mécréance est alors un mécréant, car il aura réfuté les textes à l'unanimité. » Maintenant, même celui qui doute que l'acte soit une mécréance ne devient pas mécréant qu'après que la preuve lui soit parvenue. Donc maintenant, même celui qui nie que l'insulte soit une mécréance ne deviendra mécréant qu'après que l'explication lui soit donnée et qu'il refuse ensuite. Alors quelle est la différence entre celui qui nie que l'acte soit une mécréance et celui qui nie que l'acteur soit mécréant ? Puisque dans les deux cas, il faudra expliquer la preuve avant de déclarer l'apostasie de la personne. Par exemple, si quelqu'un dit qu'insulter Allah n'est pas de la mécréance, et que d'adorer un autre qu'Allah n'est pas de la mécréance, et que personne ne lui a donné d'explication, cette personne ne devient pas mécréante selon Nasser al-Fahd. Et c'est la même chose pour celui qui admet que le polythéisme et l'insulte sont de la mécréance, mais qui ne qualifie pas l'insulteur ou l'associateur de mécréant. Celui-là ne devient pas mécréant tant que l'explication ne lui a pas été faite non plus. Et Fahd justifie ça en disant qu'une telle personne n'a pas rejeté le texte, mais au contraire y croit. Alors que comme nous l'avons montré, il existe des textes du Coran, de la Sunna et de l'unanimité prouvant que l'insulteur et le polythéiste sont qualifiés de mécréants. Donc cette personne a aussi rejeté les textes. Donc tu dois soit le juger mécréant, soit ne pas faire de différence entre les deux cas et ne juger aucun des deux mécréants. Que ce soit celui qui nie que l'acte même soit de la mécréance ou celui qui l'admet mais ne juge pas mécréant celui qui le fait. Et ça ne sert à rien de parler de l'explication des textes, de s'y opposer, car dans les deux cas, il y a opposition des textes. Donc, soit tu juges mécréant le tout pour avoir renié les textes, soit tu n'en juges aucun mécréant, que ce soit celui qui dise que l'insulte et le polythéisme ne sont pas de la mécréance, ou celui qui admet cela, mais ne juge pas celui qui en est coupable.